France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique, en direct du Mangin Palace, épisode 86. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 16 septembre 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es sans culotte, tu es bonnet phrygien, tu es vendémiaire ou thermidor, tu es raccourcisseuse patriotique, tu es rouget de Lille ou rascasse de Marseille, et tu es aussi... Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Oh, c'est donc une révolte. Non, si, c'est une révolution. À mort, lui croivez bâton. À mort, lui croivez bâton. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es en boule après Louis XVI. Tu es Révolution française. Alors, comme chacun sait, dimanche dernier, le citoyen Fillon nous a annoncé l'abolition prochaine des régimes spéciaux sans convocation des États généraux. Ce serait donc la fin des privilèges, entre autres pour les ci-devant cheminots. C'est pourquoi, suite à cette volonté affichée de rompre avec l'ancien régime, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de revisiter la Révolution française. Et pour commencer, justement, de l'édit du roi à la République, il faut offrir une relecture un peu particulière de cette période complexe de l'histoire de France. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons ensemble de dépister les héritages révolutionnaires qui baignent ton quotidien. Et dans la foulée, nous t'enverrons Jamel sur ta boîte perso qui viendra nous présenter un état des lieux facétieux des privilèges en France aujourd'hui. Et puis notre petit comité de salut public cherchera à t'expliquer les révolutions en cours au sein de notre classe politique. Et enfin, il faudra te raconter comment l'autoritarisme croissant du Jean-Claude a provoqué le week-end dernier un mouvement populaire de contestation des mômes contre son absolutisme domestique. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et dansons la carmagnole. Music makes the people come together. Music, c'est ce que chantait la libertine Madonna, qui a su émoustiller Paris par son show sans culotte à Sceaux en 1987. Alors, à quelques jours de l'anniversaire de la proclamation de la Première République, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin de t'offrir une relecture subjective, bien sûr, de cette période stupéfiante que fut la Révolution française. Et pour commencer, il faut s'attarder sur un personnage sans qui la Révolution n'aurait pas été la même, à savoir Loulou, le roi Louis XVI. Quand Louis XVI monte sur le trône en 1774, il trouve un royaume au bord de la banqueroute. Il n'y a plus un copec dans les caisses et, pour sauver le régime, il faudrait un nouvel impôt qui pèserait sur tous les Français, y compris ceux de la noblesse et du clergé. Louis XVI tente cette réforme, mais se heurte bien sûr à l'opposition systématique des privilégiés qui le contraignent à convoquer les États généraux. Louis XVI espère que cette assemblée des représentants des trois ordres, réunie à Versailles au printemps 1789, va l'autoriser à lever un nouvel impôt. C'est dans ce contexte qu'en quelques semaines, l'ancien régime s'effondre. Le 17 juin, les députés se proclament Assemblée nationale et jurent trois jours plus tard dans la salle du Jeu de Paume de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. C'est donc la fin de la monarchie absolue. Cette révolte des députés se double dès le mois de juillet d'une révolution du peuple à Paris. Place de la Bastille, François Vicard, que se passe-t-il, François ? Jean-Marie, à la place de la Bastille, c'est quasiment impossible de travailler tellement il y a de monde. C'est la joie populaire, c'est la liesse. Nous avons eu beaucoup d'hommes politiques. Nous avons eu beaucoup de chanteurs aussi qui sont venus, des gens du Parti communiste, du Parti socialiste. Il y avait Gaston Defer, on a chanté l'Internationale, la Marseillaise, on a même chanté l'Internationale en polonais. Il y a maintenant plus de 100 000 personnes. C'est une kermesse, un bruit assourdissant. C'est vraiment la fête populaire en ce lieu qui finalement est un grand symbole en France. Avec la prise de la Bastille, c'est un symbole majeur de l'absolutisme qui s'effondre. Louis XVI, monarque plutôt modéré, accepte de porter la cocarde tricolore et un an plus tard, le 14 juillet 1790, il participe à Paris à la fête de la Fédération sur le Champ de Mars, un rendez-vous pour épater la galerie que lui avait donné le marquis de Lafayette. Le 14 juillet 1790 est devenu depuis notre fête nationale. C'est surtout là que de nombreux modérés ont espéré la fin de la Révolution. Louis XVI avait en effet déjà approuvé certains changements, mais catholique fervent, il s'opposait toujours avec son veto au bouleversement de l'Église. Le divorce entre le roi et la nation est consommé en juin 1791 lorsque Louis XVI tente de fuir, mais est arrêté, comme chacun sait, à Varennes. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, contrôle des papiers du véhicule. Alors on se range sur le bas-côté, on coupe le contact, on baisse la musique et on écrase la cigarette bizarre. Alors carte grise vous n'avez pas, station d'assurance vous n'avez pas, la vignette vous n'avez pas non plus. Je vais vous demander de me suivre jusqu'à la camionnette s'il vous plaît. Et merde. Et merde. Pour Louis XVI, le retour à Paris, encadré par la garde nationale, c'est l'humiliation. L'Assemblée législative tente alors de minimiser la fuite du roi, mais chez les révolutionnaires, on parle de plus en plus de sa déchéance, encore inimaginable quelques mois plus tôt. Alors que le pays est attaqué par les Prussiens et les Autrichiens, le peuple envahit les Tuileries le 10 août 1792. Le roi est emprisonné au Temple et la République est proclamée le 21 septembre, ça en est fini de la monarchie. Et les sans-culottes commencent à adapter les chants à leur rancœur. Et ça, vous aimeriez ? Ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça irait. Et comme musique, ça vous plairait ? Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira aussi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Chut. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Les aristocrates, c'est surtout sur la bascule à Charlot qu'il termine sous la terreur. Ce sobriquet donné à la guillotine vient du nom du bourreau Charles Sanson, celui-là même qui exécuta Louis XVI. Issu d'une dynastie de bourreaux, Sanson ne doit pas être confondu avec Suzon, comme l'a fait Louis XVI, place de la Révolution, le 21 janvier 1793. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. Louis XVI fut donc décapité en janvier 1793, suivi quelques mois plus tard en octobre par sa femme, la reine Marie-Antoinette, condamnée après un procès incroyable mais vrai. Comment tu t'appelles ? Marie-Antoinette de Lorraine d'Autriche. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Veuve du roi de France. Comment il s'appelle ? Il est là ? Tu l'aimes ? Tu te marieras avec lui ? Un individu ne peut pas décider d'une chose pareille. Qu'est-ce que tu as comme bijou ? Fais voir. Jamais. Les enfants sont formidables. Les enfants sont merveilleux. Les enfants de Marie-Antoinette n'ont d'ailleurs pas été exécutés. La petite Marie-Thérèse, dont Napoléon dira plus tard qu'elle était le seul homme de la famille, est envoyée par la Convention nationale en Autriche en échange de prisonniers français, tandis que le dauphin Louis XVII est emprisonné au Temple où il meurt en 1795. La période est dure pour la famille royale, tout au moins pour ceux qui sont restés en France. Mais l'année 1793 n'est pas vraiment sereine non plus pour certains qui se sont mouillés dans la Révolution. Alors citoyenne, on entre sans frapper ? Tu veux voir le citoyen Marat tout nu dans son bain ? Comment t'appelles-tu ? Charlotte. Mais tu as de beaux yeux, citoyenne. Approche un peu ici, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Oh, mais dis donc, tu as de beaux seins. C'est vrai, tu les aimes, citoyen ? Viens, Charlotte, viens. Oui, Marat. Ah, Charlotte. Ah, mon Marat. Et comme tu as l'air méchante tout à coup ? C'est pour mieux te faire peur, gros voyou. Et pourquoi caches-tu ce grand couteau ? C'est pour mieux te saigner, mon salaud. Tiens ! Charlotte Corday, la Gironde girondine normande, a donc assassiné par vengeance le montagnard Marat dans son jacuzzi. Encore une fois, la Révolution ressemble à un tourbillon meurtrier où un groupe politique est renversé par un autre, toujours plus frénétique. Ainsi, à côté du souffle de liberté et d'égalité, la Révolution a sans aucun doute connu des excès. D'ailleurs, l'ancien révolutionnaire Bonaparte, une fois devenu empereur, quand il épouse Marie-Louise d'Autriche, petite-nièce de Marie-Antoinette, peut donc dire « mon oncle » lorsqu'il évoque la mémoire de Louis XVI. Et par conséquent, bien entendu, il condamne les excès des sans-culottes. Au pays de la gloriole, quand le panache était roi, ne faisait pas le mariole le long du chemin de croix qui menait à l'échafaud le monde des aristos. Et un bourbon pour le 16, car le soleil se levait beaucoup trop rouge au 14 juillet. La particule trahissait les ci-devant que l'on emprisonnait. La particule trahissait les ci-devant que l'on emprisonnait. Elle emballe, je t'emballe. Au pays de la révolte, le peuple était ulcéré des détours et virevoltes d'un monarque périmé. Il plantait le long des grilles le cou des fils de famille. Et Danton, tu perds la tête. La guillotine dressait son profil rouge au 14 juillet. Et la charrette transportait les ci-devant que l'on décapitait. Et la charrette transportait les ci-devant que l'on décapitait. Au pays de la victoire, dans le triomphe éclatant des chansons de vers à boire, le vin remplaçait le sang. La République se sacre par un beau jeu de massacre. Vous descendez la prochaine, un jour nouveau commençait, bleu, blanc et rouge au 14 juillet. Et la cocarde fleurissait, la liberté que l'on applaudissait. Oh, bravo, hein. Et la cocarde fleurissait, la liberté que l'on applaudissait. Dansons la Carmagnole, car au son du clairon, à se casser la gueule, est morte une nation. La Gloriole, chanson contre-révolutionnaire interprétée par Jean-Yann en 1958. Quelques années plus tard, Jean-Yann réalisa Liberté, Égalité, Choucroute, une approche historiographique de la Révolution différente de celle de François Furet. Alors, à notre pendule, il est 11h21 et tout le monde à peu près maintenant se souvient en gros de ce que fut la Révolution française, et ça c'est bien. Mais passons immédiatement au chapitre 2, à savoir quels sont, mon ami, les héritages révolutionnaires que nous ont légués les destructeurs de l'Ancien Régime. Eh bien, parmi les héritages révolutionnaires, il en est un crucial. Notre clivage politique, bien entendu. La gauche et la droite sont les filles de la Révolution. Cela dit, connais-tu réellement l'origine de cette répartition géographique ? Figure-toi que le 28 août 1789, les membres de l'Assemblée constituante étaient en train de se pouiller pour savoir s'il fallait accorder à Loulou, roi des Français, un droit de veto. La cacophonie fut telle que le président de séance, dans l'espoir de trancher bien sûr, décida de séparer les deux camps pour compter les uns et les autres. À sa droite furent installés les députés favorables à l'autorité royale, et rien à voir avec Ségolène, hein, sinon on va s'y perdre. Encore que... Enfin bref. Et à la gauche du président de l'Assemblée s'installèrent les députés qui, eux, souhaitaient voir le roi privé de tout contrôle politique. Résultat, la droite fut désormais le siège des conservateurs et la gauche, elle, fut associée aux forces du mouvement. Et voilà comment est né notre légendaire échiquier politique. Cela dit, certains observateurs pensent qu'aujourd'hui, ce clivage issu de la Révolution tend à disparaître. Vérification immédiate. C'est le bordel, hein, les élections. Hein. Mais à votre avis, il faut voter pour qui? Je vous le dirai volontiers, mais l'endroit s'y prête guère. Ah bon? Ouais, on a décidé de ne plus parler politique dans l'entreprise depuis quelques temps déjà. Surtout quand on voit la bassesse de certaines attaques. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a plus de débat d'idées. Hein, toutes les saloperies, les affaires qui traînent, mais on va tout nettoyer, nous. Ah, voilà, toujours la même chose, hein. Regardez, c'est le caniveau qui parle. Ouais, non, mais attendez, moi, je dis rien là-dessus, parce que... Mais tu fais bien, on peut pas discuter avec les fachos. Qu'est-ce que vous avez dit? Fachos. Vous êtes témoin, Vincent, hein? Il m'a traité de fasciste. Crypto-stalinien de merde! Ouais, faut que j'assise V2. T'étais où, toi, en 68, hein? Dans le bon... Dans le bon camp! Ah ouais. On l'a gagné! Jean-Guy! Profond! Dans le cul! Ah, c'est gauchiste à la con! CRSS! Bon, visiblement, il semblerait que ce célébrissime clivage ait repris du poil de la bête ces derniers temps. Et puis, toujours dans la sphère politique, il faut également rappeler que la Révolution française a offert au socialisme son catéchisme. Catéchisme sur lequel certains ont eu la bonne idée de s'appuyer. Si les Français doutent parfois d'eux-mêmes, qu'ils écoutent la rumeur qui monte des quatre coins de la planète. Partout où l'on se bat pour l'indépendance nationale, pour le droit d'un peuple à disposer de lui-même, pour l'avènement des pays pauvres au partage des richesses, pour la liberté de penser, pour l'égalité des droits, c'est le message de la Révolution française qu'on entend. Ça se sent, ça se sent, ça se sent de chez toi. Ça se sent, les personnes, ça se sent de chez toi. Eh oui, avec François Mitterrand, immédiatement, c'est la mémoire de l'histoire, l'éloquence du discours. Mais le problème avec le Parti socialiste aujourd'hui, c'est qu'il a honte, pépère, de dire d'où il vient, même si, bien entendu, il n'est pas le dépositaire de toute la symbolique révolutionnaire. Certains symboles républicains sont devenus nationaux aujourd'hui. Ils appartiennent donc à tous les Français. Quand Marianne prend les traits d'une animatrice de télévision, c'est la nouvelle surprenante qu'on a appris aujourd'hui. Cette animatrice, c'est Evelyne Thomas, qui présente le fameux « C'est mon choix ». une émission qu'on appelle pudiquement télé-réalité, mais qui frise la télépoubelle. Elle a été choisie par un club de maires de communes françaises. Elle est préférée à Sophie Marceau, Carla Bruni ou encore Laurie. Alors la télépoubelle pour incarner la République, la chose ne plaît pas à tout le monde. La luxure, l'avarice, la gourmandise, la paresse, l'orgueil, l'envie et la colère. Voici les... J'ai bien dit les sept, là ? Oh putain. Eh ben, sache qu'il paraît qu'on estime la puissance d'un régime politique au respect que nous imposent ses symboles. Eh ben là, ça fout la trouille, non ? Mais bon, certains de nos héritages révolutionnaires demeurent robustes. C'est le cas du drapeau, bien sûr, mais aussi de l'hymne national, qui pourtant n'a jamais vraiment fait l'unanimité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Aux armes citoyennes, former les bataillons ? On appelle ça le champ de guerre de l'armée du Rhin. Mais qui est-ce qui l'a fait ? C'est un nommé des îles ou de l'île, je crois. Enfin, c'est un officier du génie. Et d'où il est, celui-là ? Ah, je ne le connais pas, mon collègue. Oui, ben il n'est certainement pas du Midi. Il y a quelque chose dans cette chanson qui sent le Nord. Quelque chose de sauvage et de grandiloquent qui ne me plaît pas. Pour moi, c'est un engouement passager. Et dans 15 jours, tout le monde l'aura oublié. Allons en. Eh ben vas-y, une Marseillaise reggae maintenant. Tout fout le camp, je te dis. Heureusement que l'éducation nationale a su perpétuer quelques valeurs républicaines fondamentales, notamment à l'époque de la commémoration du bicentenaire où de nombreux spectacles furent organisés. Bien. Allez, en scène tout de suite les enfants, en scène pour la Révolution. Allons-y, Louis XVI. En scène, Louis XVI. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Non. Je fais la sourde oreille à tout ce que les peuples me racontent. Et je me balade dans les Tuileries et je prends le métro. Bon, c'est bien. Alors, Mohamed. Et là, il y a le contrôleur, il me dit, vous avez votre ticket ? Rien à foutre, je suis le roi et je t'emmène. Évidemment, pour qui porte une couronne, il est difficile de renoncer un jour à ses privilèges. Du coup, parmi les reliquats de la Révolution, il ne faut pas oublier non plus tous ceux pour qui la pilule ou la pastille n'est jamais passée, genre le Vendéen Philippe de Villiers. Jouons en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, qu'en battre en avant, jouons. Jouons en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, qu'en battre en avant, jouons. Sacré vicomte, le roi de la déconne. Enfin bon, alors maintenant, pour tenter d'enrichir notre point de vue sur l'héritage révolutionnaire en France aujourd'hui, nous avons fait appel au citoyen Jamel afin qu'il nous dise réellement si oui ou non, bon sang, l'abolition des privilèges est une réalité française. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Mais je dis pas qu'il n'y a pas de violence dans les cités non plus. Mais c'est beaucoup moins grave que ce qu'on raconte. Mais d'abord, dans ma cité, les jeunes, ils sont pas violents du tout. Ils sont juste pas contents, c'est tout. Et quand ils sont pas contents, c'est vrai, ils mettent des coups de tête. Oui, mais c'est normal, oula, c'est logique, franchement. C'est logique parce que on n'arrête pas de leur faire des promesses qui sont jamais tenues aussi. Moi, je me rappelle, ça a commencé avec le petit Papa Noël quand j'étais petit. On lui a écrit 1 milliard de fois, il nous a jamais répondu. Jamais. C'est normal, quand on l'a croisé à Carrefour, on l'a défoncé, franchement. Mais c'est normal qu'ils soient dans cet état-là. Ils sont déboussolés. C'est pas des imbéciles, les gosses de quartier. C'est pour ça qu'ils sont vénères. Parce que ils voient bien que l'ascenseur social, il est bloqué au sous-sol et qu'il pue la pisse. Bien sûr, je suis désolé, parce que moi aussi, je m'en rendais compte quand j'étais petit. Je trouvais bizarre que la petite souris a donné plus aux riches qu'aux pauvres, cette radine, franchement. Oula, je demandais à mon petit copain Stéphane Pouillou. Non, je lui demandais à lui parce qu'il avait plus d'argent que nous, c'est normal. Je lui disais, Stéphane, qu'est-ce que t'as ramené, la petite souris ? Moi, elle m'a ramené un super VTT télécommandé et un Amstrad CPC 464 mégagigas bit. Elle a mis tout ça sur ton oreiller. Oui, parce que j'ai un grand oreiller aussi. Putain, je te jure, si je l'avais attrapé, la petite souris à l'époque, je l'aurais donné à ces messieurs qui l'auraient trempé dans l'huile, trempé là dans l'eau, ça fait l'escargot, tout chaud, sale pute. Bah oui. Could be wrong. You say you told me that you wanna hold me, but you know you're not that strong. I just can't do what I've done before. I just can't beg you. You know sometimes you lie. You say you're shaking and you're always aching, but you know how hard you try. Sometimes it gets so hard to care. Can't be this way. C'était l'insurgé Bob Dylan, remixé cet été par Mark Ronson. Most likely you go your way, autrement dit, à coup sûr, tu n'en fais qu'à ta tête. C'est sans doute ce qu'a dû dire Danton à Robespierre juste avant de perdre la sienne. Alors, pour prolonger notre évocation de la Révolution, la panique au Mangin Palace a décidé ce matin, à 11h33, de te révéler les coulisses de la refonte politique qu'a connue la France ces derniers mois. Et oui, cela semble bien loin aujourd'hui, mais il y a à peine quelques mois, au palais de l'Élysée, le grand maître des cérémonies de Sa Majesté Chirac Ier, M. de Villepin, œuvrait encore à la splendeur du souverain. Tout fout le camp. Nos plus nobles traditions se perdent. Aujourd'hui, par exemple, on ne poudre même plus les présidents de la République avant de les sortir. Il y a deux siècles, la populace était bien plus respectueuse de son souverain. Savez-vous qu'en 1783, tenez-vous bien, avant de montrer un feu d'artifice royal, on allait jusqu'à ignifuger Louis XVI. Ainsi, le roi de France était totalement ininflammable. Ça aurait été moins con d'ignifuger Jeanne d'Arc. Étonnant, non? Ce qui est surtout étonnant, c'est qu'aujourd'hui, Chirac Ier a été déposé du trône. Il a été viré de son palais et a perdu ses privilèges. Une situation que vit très mal la reine Bernadette, peu habituée aux exigences du quotidien. Bonjour madame. Oui. 4 pizzas et une boîte de 12 chicken, c'est ici? Non. Bah, Jacques Chirac, c'est pas ici? Ah si, ça doit être pour mon mari. Posez ça là. Bon, c'est 40 euros madame. Pardon? C'est 40 euros. Mais non, mais je ne comprends pas. Non, franchement, madame, je veux pas d'histoire. Hein. Tu payes, je pars et c'est fini, t'as vu? Mais je ne comprends rien à ce que vous dites. Comment ça, tu comprends pas? Attends, c'est abusé, là. Tu manges, tu payes. Tu vas au cinéma, tu payes. Tu prends l'avion, tu payes. Tu comprends, c'est la vie, c'est comme ça, franchement, t'as vu? Goodbye, Louis XVI. Mais il nous faut payer comme de vulgaires valets? Ouais, normalement, ouais, mais c'était il y a 200 ans, l'abolition des privilèges. Hein. J'ai eu le temps de m'organiser depuis. T'inquiète, on paye rien, comme avant. Ainsi, Sa Majesté Chirac Ier n'a pas de soucis à se faire pour son avenir. On a pourtant craint pour sa tête après l'incroyable révolution qui a eu lieu en mai dernier, quand il fut chassé du trône par le citoyen Sarko du club des UMP. Maintenant, le palais de l'Élysée est devenu le siège du comité de Sarkozy public. hongrois qu'il est d'origine modeste, et il s'est installé à l'Élysée, accompagné bien sûr de... Lady Oscar, tu vivais sous la révolution. Lady Oscar, personne n'oubliera jamais ton nom. Lady Oscar, en verlan Lady Sarko, Cécilia quoi, s'est vue confier la direction du comité de libération des infirmières bulgares. C'est un peu la nouvelle Olympe de Gouges. Le citoyen Sarkozy s'est alors entouré des plus fougueux agitateurs tels l'intransigeant Fillon, le Saint-Just des temps modernes, avec qui Nicolas Sarkozy entretient aujourd'hui une relation de confiance et d'amitié. Qu'est-ce que c'est que ça ? François Fillon, Premier ministre. Ah, voilà, voilà, voilà. Il faut de la rigueur dans la gestion des deniers publics, mais il faut aussi revaloriser la condition des fonctionnaires de notre pays. Que votre projet soit lugubre comme un gala de bienfaisance, passons. Mais il est parfaitement inefficace. On ne peut pas ne pas réduire la dépense publique. On est le pays d'Europe qui a le plus d'emplois publics. On est celui qui fait le plus de dépenses publiques. La propagande de papa est morte. Nous ne sommes plus là pour séduire, mais pour faire peur. C'était d'ailleurs un des obstacles sur lequel nous avons buté depuis 3 mois. J'entends que dans 2 mois, 1 million de travailleurs exsangues se ruent comme un troupeau de buffles affolés par les feux de la savane. C'est une expression que je ne reprendrai pas. Donc, à l'avenir, je ne veux plus voir sur notre matériel publicitaire ni vaillées opulentes, ni godelures bronzées. Les ministres trouvent là une richesse dans laquelle ils puisent pour leur action. Je veux voir de la fesse. Je veux des images choc. Personne ne peut sérieusement prétendre qu'il n'y a pas des améliorations à apporter au fonctionnement de l'école. Nous avons dit l'année dernière à tous ceux qui n'avaient pas la carte qu'ils étaient des crétins. Il faut leur dire cette année qu'ils sont condamnés à bord. Nous y gagnerons en efficacité ce que nous perdrons en subtilité. 40% de gaz de France et de Suez, je pense que c'est mieux que 70 ou 80% de gaz de France tout seul. Trop compliqué. Ce qui compte, c'est les résultats. Trop simple. On veut la plus grande transparence dans notre système politique. Trop cher. Mais quelle importance là ? Enfin bon Dieu, ça n'est pourtant pas difficile. Je veux du grandiose, vous comprenez ? Du percutant, du charolais. Alors, mardi, j'exposerai mon idée. Et en effet, pour préparer le discours de mardi prochain, le citoyen Sarko a expliqué à ses ministres réunis ce qu'il attendait d'eux pour faire aboutir la révolution. Soldats, soldats, ce jour de gloire nous fait entrer dans l'histoire. Soldats, soldats, c'est la victoire de notre révolution. Serrons les rangs et vive la nation. C'est étrange, mais rapidement, certains observateurs se sont rendus compte que le robespierrisme des premiers temps avait tendance à se teinter de bonapartisme. Tout comme Napoléon, le premier consul Sarko, il ne renie personne, ni Jean Jaurès, ni Léon Blum. J'assume tout de Clovis à Robespierre, j'assume tout de Rousseau et de Voltaire, j'assume tout. J'assume tout, l'ombre noire et la lumière, j'assume tout, l'éternel et l'éphémère, j'assume tout. Tout est donc assumé par le nouveau régime. Pourtant, certains aristocrates éclairés commencent à critiquer ouvertement la dérive impériale instaurée à l'Élysée. Tiens, par exemple, demandons son avis à... Dominique de Villepin, citoyen français. La cour de l'Ancien Régime, c'est une cour voulue par le monarque. Et c'est une cour institutionnalisée pour apprivoiser les grands. La cour après l'Ancien Régime et qui passe le cap de la Révolution, c'est un esprit de cour. Et ce virus-là, l'esprit de cour, est infiniment plus dramatique, infiniment plus dangereux que la cour elle-même. Parce que la cour, elle est géographiquement localisable à Versailles. Vous la maîtrisez, vous la cantonnez. Vous savez, c'est pas quand vous êtes entouré de béni oui-oui, de sirpompes et de courtisans que vous faites avancer un pays. Eh bien, moi, je souhaite que les amis de Nicolas Sarkozy soient capables de lui dire les choses. Oui, sire, bien sûr, nous ferons notre devoir. Toujours soucieux de ne pas vous décevoir. Bien sûr, vous pouvez faire confiance à la loyauté de la noblesse de France. Oui, sire, mais c'est incroyable d'entendre ce chant résonner dans le palais de l'Élysée quelques semaines seulement après la révolution, enfin la rupture, quoi. Monsieur de Villepin, l'ancien principal ministre de Chirac Ier, est profondément transformé par tous ces bouleversements politiques. Ainsi, il a composé une ode adressée directement au premier consul. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige, et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre. Ma France. D'ailleurs, en parlant de Robespierre, la question se pose maintenant de savoir où se trouve la vraie gauche. Eh oui, où sont aujourd'hui les sans-culottes? Les jacobins et les girondins sont-ils toujours divisés? Et face au nouveau régime, que fait-elle, la gauche? Elle attend que le monde change, elle attend que changent les temps, elle attend que ce monde étrange se perde et que tournent les vents. Inexorablement, elle attend. La gauche est donc dans l'attente inexorable d'un changement, alors que certains, justement, ont prétexté provoquer le changement pour arriver au pouvoir. Et oui, souvent pendant les révolutions, ceux qui ne vont pas assez loin sont écartés de la fête. Il ne reste à constater que pour eux, Dieu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien. Dieu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien. Qu'une histoire puisse finir si mal, quand elle a commencé si bien. On l'imagine pourtant très bien, voir un jour les raisons d'aimer, perdues quelque part dans le temps, mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Le courage des oiseaux, c'est ce qu'admirait Dominica en 1992, est disponible dans cette nouvelle version en décembre prochain, au mois de Frimaire donc, une version livrée sur un plateau, le fameux plateau de Frimaire bien sûr. Alors, l'horloge du Mangin Palace nous indique qu'il est désormais 11h44, l'heure bien sûr de retrouver Monsieur et Madame Veto, notre couple de monarques, que sont Jean-Claude Ier et Sa Majesté Monique. Avant tout, souviens-toi que ces derniers temps, Jean-Claude affiche allègrement sa volonté de ressembler de plus en plus à notre nouveau président, puisqu'il estime que la France doit offrir un soutien massif à l'action menée par Nicolas Sarkozy. C'est ainsi qu'à la maison, par exemple, Jean-Claude a décidé de faire preuve d'un autoritarisme accru qui frise parfois la monarchie absolue. D'ailleurs, vendredi dernier, vers 1h du matin, Jean-Claude, planqué dans le salon, guettait le retour de sa fille Elsa. C'est toi, tu m'as fait peur. Depuis quand tu mets les habits de ta mère, toi? Mais depuis quand tu t'intéresses à ce que je porte? Tu changes de ton tout de suite, sinon... Sinon quoi? T'arrêtes ton petit jeu tout de suite, sinon... Sinon, plus rien. Plus rien. Plus de soirées, plus de copains, plus de sorties, plus rien, rien, rien et rien. Vu? T'as pas le droit de m'interdire quoi que ce soit, de toute manière. Maman, elle m'a dit que j'avais le droit de faire ce que je voulais. À ton âge, j'en obéis encore, figure-toi. De toute façon, y'a que ça qui t'intéresse, qu'on t'obéisse. L'insolence d'Elsa a immédiatement conduit Jean-Claude, soutenu par Monique, surnommée Madame Veto, à confisquer la liberté d'Elsa. Dans la foulée, dès samedi matin, Jean-Claude a alors convoqué son fils Rémi, et là aussi, pour mettre les choses au clair. Alors, comme chaque année à la même époque, j'entends exactement le même discours, j'ai dressé sur mon computer un bilan graphique de tes performances, et laisse-moi te dire que ça n'est pas brillant du tout. Je me suis procuré des résultats de tes petits camarades. Si l'on prend par exemple l'élève de Vienne, on s'aperçoit qu'il est largement au-dessus de la moyenne, ce qui prouve que par rapport à lui, tu es une merde. Et alors si on prend tes résultats pondérés sur tes 5 dernières années, tu passes directement dans mon estime d'un état de merde à un état de pauvreté. Et la rebelote, liberté également supprimée pour Rémi, embastillé dans sa pioule. Du coup, face à cette crise d'absolutisme de leur daron, les deux ados ont alors décidé d'organiser un comité de salut public afin de se révolter contre ce régime d'autorité parentale. C'est ainsi qu'après avoir prêté le serment du jus de pomme, Elsa confiait à son frère l'étendue de sa motivation. Ma révolution porte ton nom. Ma révolution n'a qu'une seule façon de tourner le monde, de le changer. Oui, sauf que voilà, Rémi a très vite conscience qu'à deux, ils ne seront pas assez forts pour renverser l'ancien régime. C'est pourquoi Rémi décide alors d'aller consulter tous les mômes du quartier afin de les convaincre d'organiser un soulèvement populaire. Visiblement, les arguments révolutionnaires du jeune citoyen Rémi Rabot ont été extrêmement bien reçus par la jeune population du quartier. C'est ainsi qu'une foule d'ados en jean baggy, surnommés les sans-ceinture, crie son mécontentement sous les fenêtres de Jean-Claude et de Monique, qui, elles, se sentent immédiatement visées par le mégaphone de Rémi. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis, de faire égorger tout Paris, de faire égorger. Mais le coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la canagnole, vive le son du canon. Dansons la canagnole, vive le son du canon. Prise de panique, Monique prend alors la décision d'apparaître au balcon pour annoncer aux jeunes insurgés qu'elle vient de sortir du four une très belle brioche et qu'elle est prête à la partager avec eux. Bien sûr, la foule conspue la reine de la triche. Du coup, Monique se précipite vers Jean-Claude, qui lui, visiblement, ne s'inquiète de rien. Vous mangez en de pareilles circonstances ? Mais pourquoi pas ? L'estomac est un organe qui ignore les subtilités de la politique. Je me suis fait servir des tomates. On parle beaucoup de ce légume depuis l'arrivée à Paris de ce bataillon de Marseillais. J'ai voulu en tâter, moi aussi. Eh bien, madame, voulez-vous que je vous donne mon impression ? C'est un mets excellent. Et nous avons eu tort de le négliger. Sire, ne passerez-vous pas vos troupes en revue? Il serait peut-être bon de réchauffer leur enthousiasme. C'est la décision que je viens de prendre avec ces messieurs. Et en effet, Jean-Claude, un bourbon à la main, accepte de rencontrer dans son salon une délégation de la populace en colère. Seulement voilà, pour les ados, il n'est nullement question de négocier. Bien au contraire, il s'agit ici de juger, puisqu'une fois installés face à Monique et Jean-Claude, les mômes s'autoproclament tribunal révolutionnaire et le citoyen Rémi interpelle son père. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, je sais ton père est le patron, faut pas en faire un complexe, le jour de la révolution, on lui coupera que la tête, regarde-toi, ah, ah, ah, regarde-toi. Ah, ah, ah. Jean-Claude est outré par les propos que vient de tenir Rémi à propos de son grand-père. Mais à peine a-t-il le temps de manifester sa royale colère que le tribunal révolutionnaire lui annonce les charges d'accusation retenues contre lui. Et immédiatement, les sans-ceinture demandent à Jean-Claude Ier de se justifier. Non, si vous voulez, je crois qu'avec les gosses, il faut être psychologue. Il y a un moment où si vous les surveillez pas un minimum, ils vous filent entre les pattes et c'est la merde. Pour moi, c'est simple. S'il y a une baisse de rentabilité, il y aura une baisse d'argent de poche. Alors maintenant, vous allez me dire pourquoi. Parce que c'est un petit con, il me cherche, il me trouve, c'est tout. Très bien. Puisque le roi refuse sa culpabilité, les sans-ceinture prononcent aussitôt la sentence. Ils vont devoir raser la tête et la moustache du Jean-Claude. Terrorisée, Monique tente alors de jouer la médiatrice. Les sans-ceinture ricanent et rappellent à la citoyenne Monique que pour l'instant, elle n'est pas inculpée, mais qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'elle devienne une ennemie du peuple. C'est ainsi que le soir même, après avoir rétabli les libertés confisquées, Jean-Claude a compris dans la salle de bain que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Je l'aimais bien, ma tête, je la trouvais sympa, avec son air poète que je tenais de papa. Mais j'ai une autre tête depuis ce maudit jour où j'ai perdu la tête pour un stupide amour. Eh oui, jusqu'à présent, l'amour paternel du Jean-Claude était un peu stupide puisque trop oppressant, sans doute. Mais il en a pris conscience désormais. Cela dit, l'humiliation fut complète lorsque Jean-Claude entendit des clameurs dans la rue où son fils Rémi était en tête de cortège. La victoire au chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas, et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Troublés ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tirant descendu au cercueil. Dis-moi, chérie, il n'aurait pas un peu muet, Rémi, ces derniers temps ? S'interroge Monique. C'est ça, ouais. Appelle ça comme tu veux. Mais je vais t'organiser le 18 Brumaire, moi, tu vas voir. Lui répond Jean-Claude, qui rappelle d'ailleurs à Monique que lui aussi, en son temps, il avait bien essayé de s'insurger contre ses parents. Cette année-là,